Voilà, donc la question suivante, une fois avoir fait le constat du réchauffement des eaux, au moins en surface, et de voir si ça a des conséquences pour la biodiversité marine. Alors, comment on fait pour savoir comment la biodiversité marine évolue? Eh bien, on va en mer et puis on pêche. Alors, on a réalisé des campagnes dans les années 90 avec un protocole bien établi sur le plateau continental guyanais. On fait des chalutages hein, pour des profondeurs allant de 5 mètres jusqu'à 60 mètres avec un protocole standardisé, des traits de chalut de 30 minutes. Et on compte, on identifie tout ce qui arrive sur le pont du bateau. Vous voyez ici le chalut qui arrive sur le pont du bateau. Donc ensuite, on a une étape de tri. Il faut trier toutes les espèces. Donc il faut savoir qu'on peut avoir jusqu'à 200 espèces différentes qui arrivent en un coup de chalut. Toutes espèces confondues, que ce soit des crevettes, des poissons, des méduses, etc. Donc on trie. Ensuite, on compte chaque poisson par espèce. Et puis, on estime, enfin, on pèse le poids par espèce. Alors là, vous avez la séparation du tri. Donc là, vous avez quelques espèces de raies. Et donc, finalement, on a comme ça une image de la biodiversité, à savoir quelle est l'abondance et la biomasse des différentes espèces. Donc, on a fait ça à différentes saisons, saison sèche et saison humide, en 1992. On l'a refait en 1993 et en 1994 pour avoir une idée moyenne. Et puis ensuite, on a recommencé avec le même protocole en 2006 et en 2007 pour voir s'il y avait eu une évolution, si on identifiait toujours les mêmes espèces et si les abondances et les biomasses des différentes espèces avaient changé. Voilà, alors par contre, ensuite, il faut interpréter si on a des diminutions ou des augmentations d'abondance de certaines espèces, comment ça s'explique? Est-ce que c'est dû au réchauffement ou pas? Donc comment on peut essayer d'interpréter ces changements? Alors pour essayer de répondre à cette question, on a regardé quelle était la répartition de ces espèces à l'échelle planétaire. Connaissant la répartition de ces espèces, on connaît les températures qui sont tolérées par ces espèces à l'échelle de leur aire de répartition. Et donc vous avez sur ce schéma donc la liste de 147 espèces, hein, celles qui sont les plus représentées, celles dont l'occurrence est au moins de 5% dans nos traits de chalut. Donc on n'a pas mis tous les noms parce que ça serait illisible, ça l'est déjà de toute façon. Et donc vous avez ici les températures observées à l'échelle de l'ensemble de l'aire de répartition des espèces, sachant que les espèces, elles ont une répartition plus large que la Guyane, d'accord? Donc vous avez des espèces ici que l'on peut retrouver sur une très vaste étendue. Et donc on observe des températures finalement sur son aire de répartition très variables, allant de 7 degrés jusqu'à 25 degrés. Alors, ce sont des températures moyennes. Hein. Et puis, elles ont été classées par ordre croissant de température moyenne trouvée sur leur aire de répartition. Et à l'autre bout du schéma, vous avez des espèces qui ont finalement une aire de répartition plus fine, plus petite. Et ces espèces sont vraiment plus inféodées à l'écosystème marin guyanais. Voilà, donc ce qui veut dire que on a ici les espèces typiquement tropicales, donc celles qui vraiment tolèrent très peu de variations de la température, elles sont vraiment adaptées aux eaux les plus chaudes. Et vous avez ici plutôt des espèces subtropicales, c'est-à-dire qui tolèrent des températures plus variables, mais qui sont moins aptes à supporter des températures élevées. Alors on a mis en rouge ici le niveau de température moyenne observé en Guyane. Voilà, donc on voit évidemment que les espèces tropicales ici sont parfaitement adaptées, alors que les espèces subtropicales, elles sont vraiment en limite de ce qu'elles peuvent supporter et elles sont en limite de leur aire de répartition en Guyane. Voilà, donc avec ces indicateurs-là, on peut regarder si, bien par exemple, les espèces subtropicales n'auraient pas diminué vu qu'on observe un réchauffement des eaux. J'ai perdu ma souris. Je suis pas sur le bon écran.